Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint. Annie Ernaux. Antonio Lobo Antunes. André Brink. Jean d'Ormesson. Lydie Salbert. Et toute cette semaine, le romancier Mathias Hénard s'entretient avec Olivier Rollin. Voix nue. À voix nue. Toute cette semaine, Mathias Hénard rencontre Olivier Rollin. Ce soir, les cartes. Olivier Rollin, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici, chez vous. Entre ses livres et ses souvenirs de voyage, ses tigres, ses vieux fusils. Olivier Rollin, vous êtes écrivain, auteur de 12 romans, de récits géographiques, de reportages, d'essais littéraires. Vous êtes une des figures majeures de votre génération, celle qui naît après la Seconde Guerre mondiale. En 1947, précisément, vous êtes né à Boulogne-Billancourt. Et dans un très beau texte consacré aux cartes, vous écrivez « Toujours avec les livres, il y eut des cartes ». D'abord, ce furent celles où était noté l'emplacement des trésors. Pour elles, comme pour des femmes, on tuait, on mourait. Pirates et corsaires, gens réputés de peu de lettres, m'ouvrirent comme à tant d'autres les routes du romanesque. Est-ce que vous vous souvenez de votre première carte, Olivier Rollin ? Non, c'est une supposition. C'est tout. Je me souviens d'un livre qui était un livre de voyage, enfin de navigation, etc., qui s'appelait Le Voyage d'Edgar, et qui était, si je ne me trompe, l'œuvre d'un écrivain un peu oublié à présent, qui s'appelait Édouard Pesson. Je crois même qu'il a eu le prix Goncourt, mais pas pour ce livre-là. Et voilà, je suppose que dedans, il devait bien y avoir des cartes, puisqu'il y avait, des îles, il y avait des choses comme ça. Il devait, bon, mais c'est, à vrai dire, c'est une pure hypothèse. Et dans Paysage originel. Sinon, je me souviens bien sûr des cartes de. Après, je dirais à l'école, des cartes de géographie, des cartes de. Voilà, où on voyait les circulations maritimes, les produits coloniaux qui venaient, le cacao, etc., les bois, enfin, toutes ces grandes flèches qui partaient de l'Afrique ou de l'Extrême-Orient. Bon, mais ça, c'est plus tard déjà. Et vous écrivez un livre magnifique, Paysages originels, dans lequel vous revenez justement sur les premiers paysages d'écrivains qui vous sont chers. C'était une série, je crois, qui avait été publiée dans Le Monde. Oui. Hemingway, Nabokov. Et vous, quel serait ce paysage originel alors pour vous ? C'est pas tellement moi qui est susceptible de le repérer et de le définir. Bon, ce serait plutôt des lecteurs très attentifs qui pourraient voir ça, puisqu'en fait, ce que j'appelle les paysages originels, c'est les paysages qui laissent une trace dans les écrits. Mais enfin, je répondrais que c'est quand même un paysage maritime, que c'est sans doute quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, quand j'étais enfant, on me laissait pas plus que les autres enfants tellement me balader la nuit. Mais j'imagine un paysage un peu portuaire et un peu nocturne. Voilà. Mais c'est mon rêve. Hein, je ne garantis pas l'exactitude de cette supposition. Un paysage maritime. Vous avez grandi donc en banlieue parisienne. Oui, non. Enfin, j'ai grandi à Paris, mais ça comptait finalement assez peu. Paris, c'était plutôt l'angoisse que me causait l'école, la cour d'école. Mais le lieu qui compte pour moi, ce sont les vacances en Bretagne. Enfin, c'est la maison de ma grand-mère, et c'est à Dinard, et ce sont les criques, les plages, les pêches au crabe, voilà, toutes ces choses-là. L'estuaire de la Rance, Saint-Malo, Je me compare nullement naturellement à Nabokov, mais ça me fait penser, Nabokov, son enfance, c'est Saint-Pétersbourg, mais il n'aime pas Saint-Pétersbourg, et l'endroit qu'il aime, c'est, justement, je parle de ça, je l'écris ça dans les paysages originels, c'est Vira, l'endroit où il y a la maison de sa famille, bon, à la campagne, au bord d'une rivière qui s'appelle l'Oredej, bon, et voilà, c'est ça le lieu qui rayonne dans sa mémoire et dans ses livres. Pour moi, je ne sais pas si ça rayonne, mais parce qu'en vérité, je ne vois pas tellement de traces dans mes livres de ce paysage-là. Mais en tout cas, celui qui compte effectivement, c'est le paysage, breton et maritime. Et pas l'Afrique alors. Finalement, le Sénégal qui vient plus tard. Si... Mmh. Oui, mais ça vient plus tard, oui. Oui. Non, il y a d'abord le Congo même. Enfin, le Congo, je n'ai pas non plus un très grand souvenir. J'avais 4 ans. Mais ensuite, c'est le Sénégal, oui. Une bonne partie de mes études secondaires à Dakar. Qu'est-ce que vous avez gardé de l'Afrique, alors? La peur des araignées. L'horreur même des araignées. Je me souviens que je les dézinguais. Des énormes araignées qui étaient en travers des chemins, qui tendaient leur toile en travers des chemins, et je les dézinguais avec une carabine à plomb. Comment dire, j'ai failli ne pas devenir écrivain à cause de l'Afrique, si je puis dire. Parce que pendant toutes ces années-là, quand j'étais donc au lycée à Dakar, ma principale occupation, c'était de faire de la chasse sous-marine. Donc je ne lisais pas du tout, très peu, je lisais vraiment le minimum pour ne pas avoir de trop mauvaises notes, mais ma passion c'était ça. Donc ça ne m'a pas orienté vers, vers la littérature. Mais sinon, je ne sais pas ce que j'en ai gardé. Sans doute un goût pour les espaces un peu semi-désertiques. Enfin, je sais que par exemple, quand je suis allé bien des années après au Soudan et que j'ai écrit 2 livres qui se passent au Soudan, j'avais une attirance, pour les paysages sahéliens, pour les paysages brûlés, qui ont quelque chose à voir aussi, d'ailleurs, avec bien que ce soit pas le même climat, mais qui ont quelque chose à voir avec les espaces sibériens, les vastitudes, j'aime ce mot qui est peut-être un peu chateaubriandesque, mais les espaces fouillés un peu déserts, un peu où souffle le vent, enfin voilà, c'est un peu ça pour moi l'Afrique. Olivier Rollin, si vous ne lisiez pas alors à Dakar, quand commence la passion de la littérature, passion de cette littérature aussi de voyage, des livres en tout cas, finalement quand commencez-vous à lire? Je commence vraiment à lire très tard, puisque en rentrant en France donc pour entrer en classe de philosophie, puis après très vite il y a les années militantes, où je ne lis pas du tout, sauf là encore les choses strictement nécessaires à mes activités subversives. Et donc c'est après tout ça, donc c'est vers 72, 73, 73 que je commence à lire. En partie parce que je suis complètement déboussolé, désœuvré, enfin après avoir passé 6 ans ou 7 ans à prétendre faire la révolution, tout d'un coup, je n'ai plus d'objectif vraiment dans la vie. Enfin, je n'ai pas envie de, c'est pas parce que on a abandonné cette espérance-là, ça n'est pas pour autant qu'on a envie de s'intégrer dans la société, de rattraper le temps perdu, de devenir, je sais pas quoi, universitaire, des choses comme ça, parce que c'est, ou, non, ma mère voulait que je sois diplomate. Bon. Eh bien, je ne suis pas du tout repris par cette envie-là. Donc, au fond, je suis très perdu, très très désorienté. Et pourquoi pas lire? Voilà. Et je me souviens que le premier livre sur lequel je tombe, un été de vraiment grands cafards, de grandes mélancolies, de dépression même. Enfin, c'est Voyage au bout de la nuit. C'est sans doute une chance que je sois tombé, mais un peu par hasard, sur le tourniquet d'un libraire dans le midi, d'une maison de la presse. Voilà, je trouve ce titre, et ça correspondait assez bien à mon état d'esprit de l'époque. Mais si j'étais tombé sur les caves du Vatican, par exemple, ça ne m'aurait peut-être pas fait le même, ça ne m'aurait peut-être pas accroché de la même façon, quoi. Olivier Rollin, Victor Hugo avait cette relation à son père. Son père, ce héros que tout le monde connaît, qui était un grand soldat. Et la génération des romantiques, finalement, s'est construite, la génération d'Hugo s'est construite un peu en rapport et contre, tout à la fois dans l'admiration de ses parents et en même temps, donc des guerres napoléoniennes, et en même temps dans un rejet. J'y vois un peu un parallèle entre vous, cette volonté révolutionnaire, et la génération de vos parents, qui était celle donc de la Deuxième Guerre mondiale, de la résistance, et tout l'héritage politique, mais aussi mythologique que ça suppose. Oui, j'ai eu la chance que mon père ait été en effet un résistant, enfin un Français libre, plus exactement, enfin résistance extérieure, quoi, gaulliste. Bon, il était médecin militaire, et donc il s'est rallié vraiment dans les premiers jours, je crois en août 40, enfin quelque chose comme ça, à la France libre, enfin à De Gaulle. Et ensuite, il a été pendant toute la guerre, donc médecin l'un des médecins, il y en avait plusieurs, heureusement, de la première division française libre. Voilà. Donc, si ça n'avait pas été le cas, c'est-à-dire si, parce que j'éprouvais, c'est en effet une de mes premières passions politiques ou historiques, un mépris, une détestation, une exécration complète de la collaboration de Vichy, etc. Et donc, s'il s'était trouvé que mon père ait fait partie de cela, je serais né dans la révolte, quoi. J'aurais grandi dans la révolte, mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Encore une fois, je n'avais pas à rougir, à avoir honte de mon ascendance. Je n'avais pas à tuer le père. Oui, mais quand même... en tout cas, cette opposition-là, de la résistance et de la collaboration, est absolument structurant, si je puis dire, des balbutiements de ma pensée politique, historique, etc. Oui, mais même le personnage du père aussi, dans espèce de figure justement du droit, du courage, qui sont des valeurs auxquelles vous attachez énormément d'importance, la loyauté, le courage, même certaine admiration pour la chose militaire aussi. Moi, je ne suis pas dépourvu de cela, mais mon père, à vrai dire, était devenu très antimilitariste. Il ne l'était sans doute pas pendant la guerre, mais je ne l'ai pas connu à ce moment-là. Mais ensuite, il était très canard enchaîné, plutôt très antimilitariste. Enfin, il est vrai qu'à l'époque dont je parle, quand je le connais, c'est l'époque de la guerre d'Algérie, c'est l'époque des putschs des généraux, etc. Mais enfin, il n'avait pas du tout. C'est même curieux, parce qu'il a été donc militaire en étant fondamentalement très antimilitariste. Ensuite, il a été administrateur colonial, enfin de ce qui s'appelait la France d'outre-mer, en étant tout à fait anticolonialiste. Et en fin de compte, il a terminé plus ou moins diplomate en étant extrêmement peu doué des vertus d'un diplomate. Olivier Rollin, vous grandissez dans cette France coloniale, c'est-à-dire dans les colonies. L'imaginaire colonial aussi, ça ne nourrit pas votre œuvre, mais en tout cas, c'est quand même assez présent. Vous en avez souvenir. Qu'est-ce que c'était pour vous la colonisation? Comment est-ce que vous la voyez dans adolescent? Je ne vais pas embellir les choses ou les rendre plus. C'était pas une chose qui me frappait, enfin je ne ressentais pas ça comme une injustice, une grande violence, etc. Mais il faut dire aussi que j'ai vécu, en fait, c'était les processus d'accession à l'indépendance. J'ai pas vécu la colonie, telle que Gide l'a décrit, par exemple, dans ses voyages. Congo ou au Tchad. Donc, je n'avais pas conscience véritablement d'une lutte, d'une guerre, d'une situation d'oppression ou de violence. Bien sûr, au lycée, il y avait, je voyais bien que quand même que plus les classes étaient élevées, moins il y avait d'élèves sénégalais. Mais c'était quand même pas, c'était quand même un monde complètement mixte. Voilà, c'était pas l'Afrique du Sud, quoi. C'est pas ça qui déclenche chez vous une lutte politique, non, par exemple? Non, pas du tout. Olivier Rollin. Ensuite, vous rentrez donc en France, comme ou donc à Paris. Vous êtes un élève brillant. Oui, oui, oui. Puisque vous finissez par intégrer l'école normale supérieure. Oui, un peu par miracle d'ailleurs, mais enfin quand même, parce que dès cette époque-là, je passe beaucoup plus de temps à des activités politiques et des activités et surtout à des bagarres incessantes contre les gens d'Occident, les gens d'extrême droite. Et j'étais très bagarreur à l'époque. Et voilà, je passe beaucoup plus de temps à ça qu'à faire du latin, du grec, de l'histoire, etc. Mais enfin, je suis quand même pas trop mauvais et je rentre en effet. Et alors, comment est-ce que vous passez du Sénégal où vous dites que finalement la politique n'était pas encore quelque chose de prégnant ou de si important que ça pour vous, à vous battre contre Occident 6 mois plus tard à Paris? Mais je pense qu'il faut pas négliger le goût de l'aventure. Enfin, c'était. Et voilà, c'était marrant. C'était quelquefois un peu dangereux. J'ai eu quelques blessures, mais c'était excitant, quoi. Je veux dire, il y avait un côté que je trouverais ensuite aussi dans les années complètement militantes, enfin de militantisme professionnel, quoi. Bon, voilà, il y avait ce côté de l'aventure, mais il y avait aussi quand même, alors là, oui, l'espèce d'éveil d'une conscience politique qui a été le fait de toute ma génération, enfin qui était la réprobation, alors à ce moment-là, oui, la réprobation des guerres coloniales, et surtout, parce que tout ça est quand même après la fin de la guerre d'Algérie, mais surtout le mouvement mondial contre la guerre du Vietnam, l'idée, voilà, qu'un pays surpuissant, les États-Unis, martyrise un petit peuple qui veut sa liberté, etc., enfin, toute chose qui me paraissent maintenant relever largement de l'imagerie d'Épinal, mais c'est comme ça qu'on voyait les choses à ce moment-là, et c'était quand même en partie aussi comme ça que c'était. Donc voilà, il y a ce sentiment-là de lutter contre une grande injustice internationale, et puis aussi donc le goût de l'aventure, et puis aussi l'entraînement. Quand on est jeune comme ça, on est extrêmement influençable. Bon, et je suis au lycée Louis le Grand. Le lycée Louis le Grand, c'est en effet l'antichambre de l'une des antichambres, il y a Henri IV aussi, etc., mais de l'école de la rue d'Ulm. L'école de la rue d'Ulm, c'est le prestige de quelques-uns qui me paraissent à l'époque des anciens, mais qui ont juste quelques années de plus que moi, comme Robert Linhart, comme Benny Lévy, etc., comme le cercle d'Ulm, comme les Althusseriens, comme Louis Althusser lui-même. Enfin, bon. Donc il y a aussi cet effet d'entraînement, je me laisse influencer, quoi. Et à ce moment-là, Olivier Rollin, qu'est-ce que c'est que pour vous que l'aventure, alors, du coup, qui va ensuite nourrir toute votre œuvre, en grande partie, comment est-ce que vous la voyez à ce moment-là, votre vie future, et donc que vous imaginez une vie aventureuse? Je la vois comme... Je pense pas que je... On ne concevait pas l'avenir à très long terme, hein, et par exemple, on prétendait en effet faire la révolution, mais on n'avait absolument aucune idée d'occuper un jour, d'être un jour à la tête de quelque chose, d'être à la tête d'un État, d'un pays, d'une région, d'une ville, etc. Enfin, tout ça n'avait pas de sens pour nous. Donc, je voyais l'avenir comme une espèce une suite d'actions rocambolesques, de coups de main, d'embuscades, enfin voilà, une vie un peu de Robin des Bois, quoi. Plus que de voyageur, finalement. Oui, non, à l'époque, c'était pas du tout la passion géographique ne m'avait pas vraiment saisi. C'était la passion historique qui me. Et quand est-ce qu'elle arrive alors justement cette passion géographique? Elle arrive sur les ruines, donc il y a 7 ans, disons de 67 à 73 en tout cas, qui sont complètement occupés par l'activisme politique. Et lorsque, pour des raisons dont on parlera sans doute, on décide de tirer le rideau. À ce moment-là, c'est là que je commence à être envoyé en reportage par des journaux. Enfin, aller par exemple passer pas mal de temps en Argentine, en Amérique du Sud, etc. Donc voilà, ça naît sur les décombres de la passion politique. Olivier Rollin, c'est vrai que le voyage, en tout cas tel qu'il se manifeste dans votre premier livre de voyage, qui est Barre des flots noirs, il est lié à une certaine mélancolie. C'est-à-dire que le voyage chez vous, plus que l'aventure, c'est d'abord un côté très mélancolique de la déploration d'une chose qu'on a perdue. Ben oui, mais je suis, j'ai une inclination à la mélancolie en effet, dont j'essaie de combattre quand même par l'ironie. Mais oui, le voyage, c'est à la fois s'éloigner d'une époque, d'un moment historique qui paraît maintenant pas grand-chose. Enfin, le moment des années gauchistes, etc. Finalement, ça n'a pas joué un si grand rôle dans l'histoire de la France contemporaine, mais enfin, là, à ce moment-là, on a encore le nez dessus. Bon. Et puis pour nous, pour nos jeunes vies, c'est considérable. Encore une fois, c'est 6 ans. 6 ans, quand on en a à peine plus de 20, c'est beaucoup. Donc, oui, voyager, c'est s'éloigner de cette période-là où qui n'a pas finalement, sans fleurs, ne se sont pas épanouis comme nous le voulions, qui n'a pas finalement été à la hauteur de nos espérances. Enfin, nous n'avons pas été à la hauteur de nos espérances. Et puis, c'est s'éloigner aussi d'un pays, s'éloigner d'un lieu qui ne nous convient pas, qui nous déçoit, enfin, dans lequel nous ne nous reconnaissons pas complètement. Je crois que j'ai toujours voyagé. Après, il y a une curiosité positive qui est venue, mais au départ, c'était parce que je ne me sentais pas vraiment chez moi, je ne me sentais pas at home, enfin, je ne me sentais pas bien, confortable, etc., dans mon pays, dans ma ville, dans ma société, dans mon milieu, etc. Donc, c'est s'éloigner, c'est quitter quelque chose. C'est pas uniquement le voyage au bout de la nuit qui vous fait voyager. Non. Donc le voyage, l'aventure, mêlé à la littérature, finalement tout ça arrive assez tard. Tout arrive tard, oui. La lecture, le voyage. Sauf le grec. Oui, le grec, non, le grec, ça, c'est avant, en effet, le grec, oui, que j'ai presque complètement oublié, mais pas tout à fait quand même, puisque il m'est arrivé encore, il n'y a pas tellement longtemps, de travailler sur l'Iliade, enfin, de retrouver quand même un peu de mes réflexes hellénistes. Olivier Rollin, mais finalement dans la Révolution, la passion de révolutionnaire, le voyage, l'aventure, il y a aussi quelque chose d'épique. Et on sent que vous avez aussi, Olivier Rollin, cette passion pour l'épique et l'épopée. Oui, enfin, je lutte contre cela aussi. Enfin, je ne veux pas être... je n'aime pas trop le monumental, quand même. Enfin, il me semble que, en tout cas, plus ma vie avance, plus j'écris des livres et plus ils sont quand même plutôt façonnés par l'ironie, par le. Je ne veux pas dire que ça n'est pas à moi de dire s'il y a de l'humour dedans ou non, mais enfin, je sais pas, un chasseur de lions ou petit grand papier, ça n'est pas une vision très épique. C'est une vision plutôt pieds nickelés de la période révolutionnaire. Mais disons que je n'ai pas la détestation qu'ont certains de mes amis écrivains pour la grande prose ou pour la légende des siècles, etc. Enfin, pour le Hugo un peu ronflant, tout ça, je ne déteste pas forcément, non. J'ai une partie de moi-même qui est assez bienveillante à cela. Et si vous... Mais encore une fois, je la combats. Hein. Donc après Barre des Flots Noirs, disons après cette expérience révolutionnaire, vous partez, Olivier Rollin, en voyage. Un voyage qui n'a pas cessé depuis, on peut dire, qui vous a fait parcourir la planète plusieurs fois et en écrire de nombreux livres. Quel serait votre plus beau voyage, mais en tout cas... celui qui, pour vous, a peut-être nourri le plus votre œuvre postérieure. Quel serait ce voyage-là ? Un voyage en mer ? Non, je pense incontestablement, c'est les deux premiers voyages que j'ai faits en Russie, enfin en URSS à l'époque. Donc c'était en 85 ou 86, je ne sais plus. C'était sous... Et on m'avait, enfin une maison d'édition qui se créait à l'époque, qui est Voltaire, m'avait suggéré d'aller voyager là-bas pour voir à quoi ça ressemblait, quoi, puisque on connaissait très peu ce pays à l'époque. Bon. Et donc j'y suis allé, j'ai fait deux voyages, un en été et un autre en hiver, et je ne m'imaginais pas que ça allait, vraiment ouvrir une page assez longue. dans la petite histoire de ma vie, puisque ces deux voyages ont été suivis par plus d'une vingtaine d'autres, et que je continue à aller là-bas, que je continue, que mon dernier livre est encore une histoire qui se passe en Russie dans les années, enfin sous Staline. Donc voilà, le voyage qui a eu le plus de conséquences, c'est celui-là. Il y a eu des périodes de ma vie où j'avais un second pays, mais ça n'a jamais duré très très longtemps. Il y a eu une période de ma vie où c'était Buenos Aires, qui était ma seconde ville. Et puis il y a eu une période de ma vie où c'était Lisbonne. Je n'ai plus du tout malheureusement d'ailleurs d'attache avec l'Argentine ou avec le. J'en ai toujours en revanche avec le Portugal. Mais voilà, bizarrement, ce qui est devenu mon second pays, et pourtant ce n'est pas un pays très très aimable, on pourrait dire comme le vers de Nerval, qui pour moi seul a des charmes secrets, parce que oui, c'est la Russie. Olivier Rollin, vous, dans ce bar des flots noirs, donc votre premier livre de voyage après Phénomène futur, qui est votre premier roman, Olivier Rollin, vous découvrez l'Argentine et commence une période assez sombre quand même de votre vie, et aussi vous devenez éditeur. Et vous avez toujours combiné ces deux passions, à la fois l'écriture, la création, le voyage, l'ailleurs, et en même temps accompagner aussi d'autres auteurs au quotidien, lire des textes, se passionner pour les textes des autres. Oui, pour être honnête, je dois dire quand même que j'ai ce métier d'éditeur, je l'ai toujours fait un peu en dilettante. C'est-à-dire, je n'en ai jamais fait mon activité principale. J'ai toujours travaillé à mi-temps, voire moins que cela. J'ai toujours voulu que, et ça c'est une des rares choses, je peux dire, peut-être que j'ai vraiment réussi dans ma vie, c'est à ne pas être paralysé, enfin pas par une activité professionnelle, enfin, garder une liberté de mouvement, d'action, etc. complète. Bon, donc j'aime toujours, ça m'arrive encore de le faire. Là, il y a un très beau livre sur Le Corbusier que je viens de publier au Seuil, enfin d'éditer comme éditeur. Voilà, je faisais ça avec passion. J'ai le sentiment en effet de servir à quelque chose quand je lis un manuscrit et que c'est à travers moi qu'il va arriver dans le public. J'ai le sentiment de faire quelque chose d'utile. Mais encore une fois, ça n'est pas la colonne vertébrale de ma vie. Enfin, je fais pas des heures de bureau. Je me lève pas le matin pour ouvrir des enveloppes et commencer à lire des manuscrits, etc. C'est une chose que j'aime, mais qui est secondaire quand même par rapport à oui, à l'écriture, par rapport à beaucoup de choses, par rapport à la découverte du monde et à d'autres choses encore plus intimes. Merci Olivier Rollin. À demain. Et merci à vous et à demain. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathias Sénard avec Olivier Rollin. À voix nue. Attaché d'émission, Claire Poinsignon, Mathieu Maroudin. Réalisation, Vincent Abouchard. Coordination, Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. France Culture, un été d'écrivain. France Culture, un été d'écrivain. Deuxième partie, le temps des lectures. Tout l'été, nous prolongeons les entretiens avec des écrivains par des lectures de leurs œuvres. Ce soir et toute cette semaine, nous écoutons Olivier Rollin, lisant lui-même ou lu par des acteurs. L'œuvre de Olivier Rollin est multiple et chaque livre est comme une facette particulière de cette œuvre rassemblée dans la collection Fiction et compagnie aux éditions du Seuil sous le titre Circus. Voici donc un circus radiophonique proposé à partir de 5 livres choisis par Olivier Rollin lui-même. Tigre en papier, L'invention du monde, Un chasseur de lions, Le météorologue, dernier livre paru, et Méroé, par lequel nous commençons ce soir et que nous présente tout de suite Olivier Rollin. Le narrateur de Méroé a cherché à effacer en lui tout souvenir d'une femme aimée et perdue. Exilé au Soudan, il y est presque parvenu, mais son obsession alors se retourne. Il aspire à reconstruire ce qu'il a détruit, à ressusciter la mémoire qu'il a ensevelie. Son désir de faire aller le temps à rebours l'a fait tomber sous la coupe d'un archéologue quelque peu diabolique, Heinrich Follander, spécialiste des royaumes chrétiens médiévaux du Soudan, qui définit ses recherches comme l'autopsie du temps. Pages arrachées à Olivier Rollin. Premier épisode. Méroé. La fresque noire. C'est à Dongola, au débarcadère du Bac, que je fis la connaissance d'Else Souter, il y a 4 mois et demi. Elle arrivait par la vieille piste caravanière qui, de Chendi à Dongola, en passant par Korti, coupe les deux grandes boucles du Nil. J'avais toujours aimé les trafics de l'eau. C'est un trait qui me vient de mon enfance, où la contemplation fascinée des cargos en bouquant l'estuaire et même de l'accostage du Bac de Pain-Bœuf m'avait entraîné, au grand dam de mon père, à sécher bien des heures de cours. J'allais donc au débarcadère guetter l'assistante de Follander. Il pouvait être 8 heures du soir, on ne distinguait pas l'autre rive. On entendait le diesel du Bac ahanner quelque part dans le noir. De temps en temps, de furtifs éclats ricochaient sur les vagues que rebroussait le vent. Soudain, l'œil blanc d'un projecteur s'alluma. Un long doigt de lumière hésita, tâtonna, se posa enfin sur la berge. Surgit de l'ombre, le Bac vint s'encastrer en grinçant dans le talus de boue. Des cris fusaient. Les moteurs s'allumaient. Une petite foule se précipitait sur la rampe, se pressait entre les parois limoneuses. Galabiers et turbans d'un blanc comme phosphorescent dans l'obscurité, poursuivis par l'éblouissante lumière du projecteur qui déshabillait tous les corps. Je me souvins de ce soir de février, où, tandis que je marchais avec Winterfield vers l'hôtel des solitaires, la silhouette d'une femme, indiscrètement révélée par les phares d'un pick-up, avait suscité en moi l'image vide du corps d'Alpha. C'était la même scène. Le même éclatant dénudement. Les premiers camions attaquaient la rampe, secouant leurs tôles, faisant rugir leurs moteurs. La troupe des fantômes, pour leur échapper, se bousculait, houspillait les ânes, se mettait à courir en vociférant. Des rafales de poussière se tordaient comme des fumées. En haut, sur le terre-plein où je me tenais, une meute de grosses Land Cruiser du gouvernement déboulait à toute vitesse. Stoppait à la façon de skieurs après une descente, dérapant en demi-cercle dans des jaillissements de sable. Les glaces électriques se baissaient, découvrant au menu peuple les femmes opulentes et la marmaille de quelques mafieux militaro-religieux, les gueules de frappe des chauffeurs en blouson d'aviateur. Il y avait quelque chose de brutalement beau dans ce spectacle. Ce tumulte de rayons cisaillant la nuit, ces cris, ces étoffes que le vent faisait claquer comme des drapeaux, ces mécaniques grondantes évoquaient une scène d'embuscade. Un 4x4 grimpa la rampe, s'immobilisa à ma hauteur. Une silhouette de femme en descendit, qui vint vers moi. Les premiers instants où je connus Else, elle ne fut qu'une ombre. un contre-jour noir découpé par la lumière violente des phares du projecteur du bac. Elle ne fut pas un corps, seulement un dessin sans visage. Une femme abstraite qui m'adressait la parole. Elle fut une voix sortant des ténèbres, comme le Nil. Je sais que ce que je vais dire à présent paraîtra incroyable. Qui puis-je ? Cela fut, pourtant. Je rappelle que ce que je raconte, c'est l'histoire d'une folie. Dans cette voix désincarnée qui me demandait en anglais si j'étais bien l'ami que Follender avait envoyé à sa rencontre, je crus instantanément reconnaître quelque chose de celle d'Alpha. Et notre destinée, à elle seule et moi, fut scellée. Je n'ignore pas que rien, en principe, n'est plus singulier qu'une voix qu'on peut trouver dans le monde, deux bouches, deux regards, deux visages qui se ressemblent, mais pas deux voix. Ce sont là des considérations raisonnables, c'est tout ce que je puis objecter. Le fait est que je tombais, là, au débarcadère nocturne de Dongola, sous le charme d'une voix qui m'en rappelait jusqu'à me donner la chair de poule, une autre que je n'entendrai plus. Et ce n'était pas d'ailleurs que la voix d'Else ressemblât exactement à celle d'Alpha. Elle m'indiquait plutôt comme une direction où fut demeuré, inaccessible mais proche, son souvenir. Entendant Else parler, j'étais dans le voisinage d'une voix disparue, un peu comme si j'en eusse perçu des échos déformés, brouillés par d'autres bruits ambiants. Longtemps après qu'Alpha fut parti, il arrivait que le téléphone sonne sans que personne, lorsque je décrochais, ne dise mot. Et j'étais assez fou pour m'imaginer que c'était elle, peut-être, qui appelait ainsi, muette, pour m'entendre. Cette croyance me réconfortait en ce qu'elle supposait de sa part quelques soucis encore de moi. Mais aussi, après avoir interrogé en vain, et de plus en plus doucement, et presque tendrement, je restais à l'écoute jusqu'à ce qu'enfin un déclic interrompe la ligne. Non dans l'espoir que la personne, quelle qu'elle fût, qui gardait le silence à l'autre bout du fil, se décidât à parler, mais parce que ce silence-là, oui, même cela, m'était cher comme étant, selon moi, son silence. Non pas rien, mais quelque rien qui avait un rapport avec sa voix, puisque c'en était la suspension. Eh bien, d'une façon différente, mais non moins délirante, la voix d'Else fut pour moi comme un signe, une trace illisible, mais indubitable. Et enfin là, je touche sans doute au point où les mots se séparent le plus des émotions que j'ai cherché à retrouver à travers eux. La voix d'Alpha. Ce que j'ai espéré en ressusciter ce soir-là, au bord du Nil invisible, et quelques autres soirs après, c'était un fil de fragilité tendu, un son toujours prêt de se casser, qui avait à voir avec la prière, le supplice et la supplique, la force et la pitié, toutes ces grandes et incompréhensibles histoires que l'art n'aborde qu'en acceptant d'échapper à l'intelligence. Même si j'avais été aveugle, je serais tombé amoureux d'Alpha, de cette voix à muit, cette voix qui ne résonne plus en moi et dont je ne sais plus rien dire. Car les mots que je trouve ne me la ramèneront pas, bibelot d'inanité sonore, vraiment. Quelque chose d'incertain en elle, qui se tenait constamment entre rire et larmes, et qui pour moi était si émouvant. Je me souviens qu'à l'époque, elle m'évoquait un peu celle de gamine tragique et vicieuse de l'hôte Lénia, et c'est peut-être par là que l'aberrant court-circuit a jailli dans mon esprit, car l'accent allemand avec lequel elle se prononçait l'anglais me faisait songer au personnage de Jenny Smith chantant « Oh Moon of Alabama » dans ma agonie. Combien de fois, au cours de nos promenades éméchées dans Paris, n'avions-nous pas fredonné « For if we don't find the next whiskey bar, I tell you we must die. » Elle croyait que c'était une chanson des Doors. Cela encore, Brecht, Kurt Weill et la soulographie nocturne faisaient partie d'une culture, d'un temps qui était les miens et que j'avais voulu, par un amour mortel, lui imposer. Je fus immédiatement, brièvement amoureux d'une voix dissimulée derrière la sienne. voix en guenille, en dessous loqueteux, de jeunes filles des ports et des frontières. Je faisais l'amour par mes oreilles. Pour le reste, lorsque nous baisions, parce que cela nous arriva, en dépit de la malcommodité des lieux, c'était aussi voluptueux que le choc de deux auto-tamponneuses. Lorsqu'elle redevint à mes yeux un être de chair et de sang, je me dépris d'elle. Je, c'est-à-dire l'illusion que j'étais moi-même devenu. The game was up. Au retour de Kerma, au lieu de prendre la piste du désert, nous avons longé la vallée du Nil vers le sud. Il y eut cette halte utopique sous le château fort d'El Kandak. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais d'humeur pripsautière. On allait rentrer par le chemin des écoliers. Else n'avait pas l'air pressée de retrouver Follender. Je ne suis pas sûre qu'il soit très heureux de ma présence, me confia-t-elle. Et comme je lui demandais pourquoi... Je ne sais pas. Vous savez, je remplace sa fille. Ça n'est facile ni pour lui, ni pour moi. Et ce n'est pas un homme facile. Quels hommes sont faciles, me dis-je. Mais je m'abstins de formuler cette triviale remarque. En revanche, je ne pus résister à l'envie de lui demander ce qu'elle savait de Follender. Rien de particulier, me répondit-elle en me regardant avec, je crois, un peu d'étonnement. Je veux dire, rien que vous ne sachiez déjà. Sûrement, c'est un grand savant et un homme malheureux. Sa formule me fit penser à la phrase de Gordon sur Renan. Un grand arabisant et, évidemment, un homme très malheureux et inquiet. La chute du mur de Berlin a peut-être été une libération pour lui, d'un point de vue politique. Je n'en sais rien et ça ne me regarde pas. Mais professionnellement, ça a été une catastrophe, comme pour beaucoup. Ses titres, ses travaux n'ont pas été reconnus. D'ailleurs, il avait peu publié. On s'est servi de ça. Il a dû recommencer presque à zéro, passer des diplômes inutiles. Peu s'en est fallu que des gens de l'Ouest, des gens comme moi, ne prennent sa place. Heureusement pour lui, personne n'avait, si peu que ce soit, les qualifications requises. Et puis, à peine avait-il rétabli sa position scientifique et fait cette découverte à Meroé qui la confirmait, qu'il y eut la mort de sa fille. Je lui demandai si elle en connaissait les circonstances. Non, pas précisément, me dit-elle, surprise de nouveau. Un accident de fouille, je crois. Après El Kandak, nous avons continué à longer sans nous presser la grande boucle occidentale. On traversait de beaux paysages paisibles, évoquant un Orient idéal et ancien, tel qu'il apparaît par exemple sur les dessins de l'expédition d'Égypte. Des villages étirés au bord du fleuve de longs murs peints de bleu et de vert d'eau, d'ocre, de blancs éclatants, de gris cendreux, percés de portes nubiennes à frontons ajourés, de fenêtres carrées encadrées de mauve ou d'outre-mer. Je m'émerveillais de ce sens audacieux et sûr des couleurs qui m'avaient déjà frappé à El Kandak dans le vêtement des femmes. Vieux enturbanés trottinant sur des ânes, minarets grêles, koubas des saints, palmes peignant patiemment le ciel et une lenteur magnifique répandue dans les choses. Tout cela ressemblait trop à une représentation naïve et pastorale du paradis pour que mon pessimisme naturel ne me portât pas à craindre une prompte revanche de l'enfer. Le temps arrêté ne cachait-il pas une convulsion secrète? Néanmoins, ce fut un jour heureux, faux et un peu niais. Le soleil se couchait lorsque nous sommes arrivés sous le Djebel Barkal, cette espèce de rocher de Gibraltar surplombant des pyramides et des temples presque violets dans le crépuscule. Nous avons traversé le désert de Bayouda, de nuit, à fond la caisse. J'aime cette exaltation de la vitesse que rien ne borne, autour, devant, la trépidation des tôles giflées par le sable, l'apoplexie sonore des gros carburateurs, ce vertige des platitudes avalées à tombeau ouvert sous les étoiles qui fait soudain se demander si l'horizon n'est pas un mur dressé dans le rayon des phares. Je racontais à Els l'histoire d'Abou Lamba, le Père Lumière. Cette créature maléfique, homme ou démon, on ne sait, qui se plaît à attirer par des appels de phare les voyageurs nocturnes pour les laisser à l'aube, perdus loin de toute piste. Puis je l'écoutais parler dans l'ombre où luisaient vaguement les cadrans. Sur tout ça, ô Moon of Alabama, ô vieille lune, saisons et châteaux. Vers 1 heure du matin, nous étions à Atbara. Nous avons dormi dans un Lakonda, une de ces baraques munies d'une vingtaine de lits de camp qui sont les hôtels d'ici. La présence d'un blanc dans ces établissements sordides est toujours à l'origine d'un étonnement volubile. Car, pour une raison que je ne m'explique pas, les Soudanais, si magnifiquement indifférents sous les feux du jour, ne connaissent aucune forme de discrétion lorsque la nuit est tombée. Dans les Lakonda, ils palabrent bruyamment à 1 mètre du bas-flanc où vous priez le seigneur des moustiques de vous accorder le sommeil, glaviotent tout autour de vous, lèvent une lampe à pétrole au-dessus de votre visage qui, au prix de quelle rage contenue, feint l'endormissement, tout en s'extasiant « Fransawi, Fransawi ». Le gardien a donc dit vrai. Il y a ici un de ces gros vers blancs. Et il commente cette affaire en s'esclaffant, le plus aimablement du monde, sans doute, mais dans une langue que vous n'entendez pas et dont vous n'entendez que trop les rauques accents. Dès qu'elle se s'est réveillée, nous avons filé. Je lui ai montré les dizaines de locaux à vapeur bleu ciel du Nile Valley Railway échoués dans ce qui avait été la gare de triage, les chaudières d'azur rouillées dont les portes béantes, lourdes comme celles de coffre-fort, laissaient entrevoir des magots de chauves-souris, les bielles flappies dans le sable, l'état des cieux pour géants haltérophiles. À la grande époque de l'Empire, Else, lui disais-je, nous eussions pu aller d'Alexandrie à Khartoum, sans cesser de boire du porto dans un wagon d'acajou tiré par un de ces nuages de fer. Je m'exaltais à parler. Je pérorais pour l'entendre rire et me répondre. Et ce n'était pas elle que j'entendais. En début d'après-midi, nous sommes arrivés à Meroé. C'était l'heure de la pause. Follander, sinistre, lapait son écuelle de foule dans la case de briques crues, construite presque au bord de la voie ferrée, où allait se dérouler notre huis clos. Il nous accueillit avec un peu de raideur. Me faire visiter notre gourbi ne fut pas bien long. Il se composait de 2 pièces, la sienne, ceinturée d'étagères où traînait tout un bric-à-brac de tessons, abritait un lit de camp et une table à tréteaux portant une lampe à pétrole et un réchaud. La nôtre, à Else et moi, était plus vaste. Son mobilier consistait en 2 angarebs, 2 coffres, 2 lampes. Dehors, un auvent de palmes tressées était le seul luxe de cette habitation à côté de laquelle l'hôtel des solitaires à Khartoum prenait des allures de palace. Le soir, c'était là qu'on dînait. Et il y avait encore, non loin, un cube de briques crues qu'une cloison divisait en 2. D'un côté, une caisse retournée percée d'un trou, c'était les chiottes. De l'autre, un fût métallique juché sur un croisillonnage de madrier alimentait en eau couleur de thé au lait une douche rudimentaire. Telle était, ceinturée d'un rang de fil de fer, l'installation que le lexique de l'archéologie nomme « rest house » et qui évoquait plus Biribi qu'un lieu dévolu au repos. Cela ne me gênait nullement. Je n'étais pas venu là, ni d'ailleurs au Soudan, pour me la couler douce. Immédiatement à l'est de notre campement passait donc la voie ferrée. Une borne signalait « kilomètre 214 », et c'est par ce nom que nous avions coutume de désigner la « rest house ». De temps en temps, mais rarement tout de même, annoncé par de longs et vibrants coups de sirène, un train, comme il s'y est, se traînait. Beuglement, ânement, ferraillement, la loco passait, remorquant des rectangles de pénombre qui semblaient autant de tableaux où eussent été dessinés, à l'encre et à la mine de plomb, des entassements de visages impassibles. « Qu'en pensez-vous ? » me dit un jour Follander, sardonique. « Dirait-on pas la version ferroviaire de la barque de Caron ?» Au-delà des rails, des tourbillons de poussière soulevés par les camions signalaient la route Khartoum-Atbara. Au-delà encore, au sommet d'une ligne de dunes, on devinait, dans la lumière rasante des petits matins ou des crépuscules, serrés comme les pieux d'une gigantesque palissade, les pyramides de la nécropole. À l'ouest, le Nil coulait derrière une ligne de verdure lointaine. Au sud, le village de Bagraouia. Immédiatement au nord, les ruines de la fabuleuse Méroé. Un tas de pierres calcinées, à vrai dire. Dessinant vaguement sur le sol l'empreinte de temples ou de bains royaux, et entre lesquels des chèvres, dressées sur leur arrière-train, s'efforçaient de rafler le maigre feuillage des mimosées. Ce serait notre horizon. Nous étions plantés dans le sable, là où devait se tenir, selon Hérodote, l'armée cristalline des morts. La zone de fouille se situait à 200 mètres environ vers l'ouest, c'est-à-dire vers la vallée du Nil. On tombait d'abord sur un dédale de murs en briques crues, émergeant à hauteur d'homme d'une terre sèche semée de détritus, car la capitale du roi des rois se trouvait ensevelie sous ce qui avait longtemps été la décharge du village de Bagraouia. Plus que des constructions humaines, certains de ces murs, complètement érodés mais sur lesquels se dessinaient vaguement les écailles des briques, semblaient les replis cloqués, pustuleux, d'un monstrueux reptile, le cadavre déterré du serpent python ou de l'hydre de Lerne. Sur d'autres, au contraire, desquels s'élançaient parfois des amorces de voûtes brisées, on distinguait nettement le joint entre chaque brique. Ce petit quartier d'habitation avait été le premier site fouillé par Follender 2 ans auparavant. Il s'était contenté d'exhumer sommairement cet ensemble de façon à en établir le plan. Car entre-temps, il avait fait une autre trouvaille, autrement plus excitante. À une centaine de mètres plus à l'ouest, en effet, sous l'escarpement d'une petite dune, les ruines d'un bâtiment, construit en massif bloc de grès, surgissaient du fond d'un entonnoir de sable et de déchets. Un long mur, dégagé jusqu'à une hauteur d'environ 2 mètres, faisait un angle droit à l'ouest avec un autre plus écroulé et en partie enseveli. Les sommets de 5 colonnes de granit gris jaillissaient au centre de ce qui devait être un carré d'une 20aine de mètres de côté. Des chicots et banquettes de briques cuites, saillants, çà et là, esquissaient la trame de cloisons intérieures. L'une d'elles, couverte de bâches, s'allongeait sur environ 5 mètres parallèlement à la crête de sable, en retrait du mur éboulé. Sur toute sa longueur, des visages peints se haussaient au-dessus du sable, tels ceux de l'armée perse engloutie par le Haboub, ou plutôt des absences de visages, car à l'emplacement de chacun, le revêtement de plâtre avait été gratté. Ces vides laiteux resplendissaient comme des lampes dans une nuit de tempête. Tout autour, ce n'était que repli d'obscurité, moirure du noir. Les têtes béantes appartenaient manifestement au Christ et à ses légions d'anges. Au centre, un alpha et un oméga encadraient une auréole de bronze sombre où s'écartelait, autour de la face arrachée, une croix de sang séché. Le sommet d'un arc-en-ciel fuligineux s'arrondissait au-dessus de l'homme-dieu défiguré qui levait des mains plombées comme celles d'un cadavre. De part et d'autre, un remuement d'ailes nocturnes battait un ciel d'encre. Les vêtements, leurs plis sur les épaules semblaient des lambeaux d'orage, des pans de terre mouillée. Chaque couleur était foncée jusqu'à la nuance extrême au-delà de laquelle elle disparaîtrait dans l'indistinction du noir. Dans ce grand froissement d'ombre, on ne distinguait rien d'abord, hormis un mouvement de différences vagues qui pouvait être quelque chose comme l'extinction ou aussi bien l'éclosion de la lumière autour des visages mutilés. Les profanateurs qui les avaient effacés au nom sans doute de l'interdiction islamique de la représentation humaine leur avaient donné, avec la force du mystère, la séduction de la clarté trouant le manège des ténèbres. Je demeurais comme stupéfait devant cette fresque dont la puissance paradoxale venait de son quasi-anéantissement d'avoir été peinte au bord du gouffre, avec des couleurs et des formes sur le point de basculer dans le monde de l'invisible et de l'informe.